Donc, le modèle mental, le nouveau modèle mental de la conscience humaine, sera prescrit par une sorte d'étapisme. Ça se fera par étapes. Parce que l'homme peut pas instantanément comprendre sa relation avec une entité. La raison pour laquelle l'homme peut pas comprendre instantanément cette relation-là, c'est parce que le contact entre l'homme et une entité, même s'il est psychologique dans le sens que l'homme peut parler ou placoter avec l'entité, ce contact-là est réellement fondé sur une vibration. Donc, ça prend une conscience vibratoire suffisamment développée pour comprendre la relation entre l'homme et une entité qu'il chevauche. Il a développement d'une conscience vibratoire, ça se fait avec le temps. Ce sont les événements de tous les jours, les oppositions, ainsi de suite, qui nous amènent graduellement à élever notre taux vibratoire pour ultimement pouvoir confronter l'entité. C'est pour ça, d'ailleurs, que la spiritualité, c'est anathème pour une conscience. Un homme qui est moindrement spirituel ne peut pas confronter une entité. Il peut la confronter par des techniques, en utilisant, par exemple, l'exorcisme. Mais c'est pas réellement de la confrontation, ça, l'exorcisme. C'est simplement un travail fait par quelqu'un contre une entité qui chevauche une autre personne. Mais quand l'homme doit confronter une entité mentale qui fait partie de sa réalité, il a besoin d'une conscience vibratoire suffisamment développée, parce que c'est seulement par vibration qu'une entité peut être attaquée. On n'attaque pas une entité ou on ne contrôle pas une entité par la parole en tant que forme. Le travail qu'un homme peut faire contre une entité, faut qu'il ait des assises. Et ces assises-là sont dans la vibration, pas dans la forme. Vous pouvez dire à une entité, lâche-moi, ça c'est de la forme. Mais si vous n'avez pas la vibration, ça demeure une forme. Puis vous ne pourrez pas, à partir de cette forme-là, arrêter le processus et fermer le canal. Parce que l'entité n'est pas menacée. Une entité, il faut que ce soit menacé. Mais ça se menace simplement par une vibration. Parce que quand vous menacez une entité par vibration, vous changez son temps. Vous altérez son temps. Et altérer le temps d'une entité, ça équivaut, au niveau de notre expérience à nous autres, de limiter les dégâts qu'elle peut faire dans notre expérience à nous autres. Altérer le temps d'une entité, ça équivaut à rendre l'homme libre. Quand un être est rendu libre, l'entité a fini sa job. Qu'est-ce que vous faites, vous autres, quand vous finissez votre job? Vous trouvez la vie plate, hein? Quand tu n'as plus rien à faire, tu trouves la vie plate? Tu fais un autre job? Hein? Aller en vacances, deux semaines sur la plage à Cuba, c'est pas assez. C'est bon, là, que tu peux faire ça pendant deux semaines, mais t'as-tu hâte de revenir à ta job, hein? Une entité, c'est la même chose. Fait que si vous enlevez à une entité le privilège de vous manipuler à travers la pensée et l'émotion, et que vous n'avez pas la vibration c'est-à-dire l'énergie mentale concentrée pour la bloquer, cette entité-là, elle va continuer à travailler. Même si c'est une entité de haut niveau, ça n'a pas d'importance. Que la souffrance vienne d'un haut niveau ou qu'elle vienne d'un bas niveau, c'est toujours de la souffrance. Que vous soyez, que l'homme soit chevauché par une entité astrale, ou qui a déjà incarné sur la Terre, ou que l'homme soit chevauché par une entité mentale qui n'a jamais eu d'incarnation dans un corps physique, c'est la même chose pour l'homme. De la souffrance, c'est de la souffrance. Vous dites, ah ben moi je souffre, mais mon entité n'a jamais eu d'incarnation, mon entité est de haut niveau. Vous ne direz pas ça longtemps. Mon entité, c'est un archange planétaire. Vous ne direz pas ça longtemps. Fait qu'éventuellement, le statut de votre entité que vous pouvez connaître, ça ne servira plus à contenir votre énergie. Parce que vous n'aurez plus la spiritualité qui aveugle le mortel dans sa relation avec les plans. Fait qu'à ce moment-là, ben, vous aurez une vibration suffisamment élevée pour pouvoir altérer le temps de l'entité, qui équivaut à de l'espace pour nous autres. Le temps pour une entité, c'est de l'espace pour nous autres. Et en altérant le temps d'une entité, l'homme va en arriver éventuellement à créer dans ces mondes-là de nouvelles archives. Les nouvelles archives, ce sera ou seront la science que l'entité aura finalement développée par rapport à l'expérience de l'homme, mais sous le regard de l'homme. Donc, l'homme conscient pourra, avec très grande facilité et grande agilité, définir pour l'entité qui le chevauche les conditions futures de leur rapport. Pendant l'évolution, les conditions qui sous-tendaient le rapport entre l'homme et l'entité, c'était des conditions qui étaient totalement en dehors du contrôle de l'homme. Tu viens au monde d'un corps physique, tu viens au monde dans un certain pays, tu as une certaine éducation, tu n'es pas éveillé, tu meurs non éveillé, tu retournes à l'astral. Ça, ça a été l'histoire de l'homme. Mais à partir du moment où l'homme... À partir du moment où l'homme va... va confronter l'entité. C'est lui qui va déterminer le rapport occulte avec elle. Ça veut dire que l'homme va connaître les lois occultes des mondes parallèles alors qu'il est dans un corps physique. Et quand l'homme connaîtra les lois occultes de ces mondes-là, pour la première fois depuis l'évolution, l'homme deviendra le maître de son propre temps. Devenir le maître de son temps, c'est devenir un être qui contrôle, qui domine, finalement, l'entité qui le chevauche, au lieu d'être dominé par elle. C'est ça l'évolution, c'est ça la définition, si vous voulez, d'une conscience supramentale. C'est ça la nouvelle alliance entre l'homme et les plantes. Et c'est dans ce sens-là que la lumière, ce qu'on appelle la lumière, c'est-à-dire l'énergie qui définit le rapport entre un être matériel et un être moronciel, cette lumière-là, finalement, servira à l'homme en tant qu'intelligence, en tant qu'esprit, au lieu de lui servir simplement en tant qu'expérience de l'âme. Donc, à ce moment-là, il n'y aura plus de karma pour l'homme. Le karma sera absolument évité. Et la raison pour laquelle l'homme n'aura plus de karma, c'est parce qu'il aura compris, finalement, le secret de sa conscience. On vit un karma, c'est-à-dire qu'on a une dette On a une dette astrale avec les plans parce qu'on ne connaît pas le secret de notre conscience. Quand les philosophes disent, bon, mais l'homme doit se connaître lui-même, ça fait longtemps qu'on dit ça. Ça faisait partie des doctrines ésotériques, ça. Mais se connaître soi-même, dans un sens fondamental, pas dans un sens philosophique, ça implique une confrontation avec une entité à un niveau tel que l'homme ensuite, ou par la suite, ne peut plus être dominé par elle. Donc, ça l'invite à une refermeture du canal et à une capacité dans ce processus-là d'instruire l'entité des limites qui oblige l'homme à une relation avec lui. L'homme est obligé d'avoir une relation avec l'entité. Sans ça, il n'y aura pas de pensée. Donc, on est obligé d'avoir une relation avec l'entité parce que la pensée vient d'ailleurs. Par contre, on n'est pas obligé de subir la qualité relationnelle que certaines entités nous imposent parce qu'on n'a pas intégré cette énergie-là. Pourquoi est-ce qu'il existe sur la Terre et depuis des millénaires une conscience humaine qui ne se sait pas? Parce que l'homme n'a jamais compris le secret de sa propre conscience. Il n'a jamais pu altérer le temps de l'entité. Et dans la réalité des mondes parallèles, ou dans la réalité des plans, ou dans la réalité de la conscience, ou d'une conscience avancée, vient un point où la science occulte, cette science extrêmement puissante qui fait partie de la réorganisation du lien entre l'homme et les immortels, cette science occulte-là ne peut être atteinte que par vibration. C'est pas une science psychologique. Parce que ça ne fait pas partie du passé de l'homme. Ça fait partie de sa conscience vibratoire. Donc, ça fait partie de sa nouvelle conscience. Ça fait partie de son nouvel ego. Et plus l'homme aura un ego renouvelé, ou plus l'homme pourra se donner ou se créer un nouvel ego, plus l'homme aura une science avancée de l'invisible. Et ça va loin, la science de l'invisible, parce que ça préconise que l'homme, éventuellement, en arrive à mourir dans un temps qui lui convient, au lieu de mourir n'importe quand, comme les hommes de la Terre ont connu pendant la Révolution. Le droit à la vie, c'est pas... Le droit à la vie, le droit à sa vie, c'est pas une condition qui est géré par les plans seulement, comme l'homme a toujours pensé. Quand on disait, bon, tu meurs quand Dieu veut, tu sais. Cette condition-là, elle existe parce que l'homme, pendant l'évolution, a été infatué de spiritualité. L'homme n'a jamais compris le degré de liberté que pouvait atteindre sa conscience. Donc, effectivement, il mourrait n'importe quand. Il mourrait n'importe quand parce qu'il n'y avait pas suffisamment de conscience pour intégrer sa propre lumière et déterminer à quel moment dans sa vie il avait fini de limiter le pouvoir de sa lumière. Mais avec l'évolution, l'homme pourra finalement commencer à prendre conscience du pouvoir de sa lumière, c'est-à-dire de sa relation avec les plans, à un tel point que lorsque viendra le moment de la mort, il sera libéré en esprit et non pas entraîné sur le plan de l'âme à se reconstituer un corps matériel dans une autre incarnation. Donc, une fois libéré en esprit, l'homme ne vivra pas et ne connaîtra pas la mort comme on l'a connue, parce que la crainte de la mort ne fera plus partie du karma de son expérience. Donc, une fois le problème de la crainte révolu, parce que l'homme aura compris son mystère, parce que l'homme aura compris sa relation avec les plans, parce que l'homme aura finalement contesté absolument le chevauchement de son entité, c'est seulement à ce point-là que l'être humain aura conquis ce qu'on appelle la mort. Conquérir la mort, ça ne veut pas dire que tu meurs pas. Ça veut dire que tu conquiers la crainte de la mort. Un homme qui a conquis la crainte de la mort ne meurt pas. Il se dissout physiquement, oui, mais il ne meurt pas. Quand vous couchez le soir, vous n'avez pas peur de mourir. Vous allez sur les plans, vous rêvez à différents niveaux. Et le lendemain matin, vous avez votre Kellogg's et votre verre de lait. Vous savez que le lendemain matin, votre Kellogg et votre verre de lait, il va être là. Mais si ça m'arrivait au port de la mort, j'étais conscient, puis qu'il avait confronté suffisamment son entité, il saurait que de l'autre bord, son verre de lait est là. De la même façon que sur le plan matériel, quand il vit, il sait que son verre de lait va être là, mais qu'il se lève le matin. La grande question psychologique, excusez, de l'ego, qui mène l'homme à épuiser son esprit en essayant de comprendre ce qui se passe de l'autre bord, ça fait partie de la manipulation de l'entité. Mais si l'homme avait confronté l'entité comme il le confrontera, s'il avait une conscience aiguë de la manipulation d'une entité qu'il chevauche, l'homme n'aurait jamais à subir la pensée de la mortalité. Parce que, la mort, ça n'existe pas. C'est seulement la crainte de la mort qui existe. Mais la crainte de la mort, ça fait partie incontestablement de la manipulation de l'entité sur notre conscience. Alors que si l'homme avait contesté l'entité, établit les bornes de toute forme de manipulation, l'homme n'aurait jamais à subir cette déformation psychologique sur le plan de l'ego face à une expérience qui est absolument naturelle, c'est-à-dire la disparition ou l'éloignement de l'homme, de son plan matériel, de son véhicule, de son enveloppe. Donc, la confrontation avec l'entité qui chevauche l'homme et la compréhension de cette confrontation-là, ça lui permettra de développer un nouveau modèle mental de conscience. Et ce modèle mental de conscience-là sera basé sur, comme je vous ai dit, la confrontation, mais aussi il donnera accès, il ouvrira sur d'autres plans, non pas de conscience, mais d'actualisation. Ces autres plans d'actualisation, mais ça fera partie de votre dossier planétaire, votre nouveau dossier planétaire. L'homme pourra finalement faire, sur le plan matériel, ce qu'il veut, ce qu'il a toujours voulu faire, au lieu de subir une expérience de vie qui est purement existentielle, qui fait partie de l'expérience de l'homme, mais qui ne fait pas partie de son intelligence, de sa volonté. Et ce nouveau modèle mental-là, c'est pas un modèle conceptuel. On utilise le terme modèle de conscience parce que c'est personnel à chacun. La conscience, c'est personnel à chacun. Il y a une conscience universelle, on parle de conscience universelle, oui, dans ce sens qu'il y a des lois qui sont communes à tous les hommes. Mais la conscience, elle est personnelle à chacun. Donc chacun a son modèle de conscience. Et plus une personne est développée en conscience, en science occulte ou intérieure, plus son modèle de conscience est perfectionné. Et quand un homme a un modèle de conscience perfectionné, il devient, sur la terre, pour les hommes, un modèle de vie. Il devient un modèle de vie parce que son expérience est tellement fondamentale que les hommes ne peuvent plus la contester psychologiquement parce qu'elle n'interfère plus à aucun niveau avec leur expérience. Ça, on appelle ça la transparence de l'ego. Le problème avec l'enseignement que l'homme peut subir ou vivre ou connaître par rapport à d'autres hommes, c'est toujours basé sur le fait que l'homme peut sentir une absence de transparence au niveau de l'ego. Sinon, on n'aura aucun problème avec l'enseignement qui vient d'ailleurs. Mais à partir du moment où on sent un, même si c'est un petit peu d'ego, on sent à l'intérieur de cet enseignement-là, de cette science-là, on sent des lacunes, on sait des lacunes, on voit des lacunes. Donc, si les hommes, dans leur relation psychologique, expriment toujours des lacunes les uns envers les autres, c'est parce que, dans le fond, la conscience universelle n'est pas sur la Terre. Il y a simplement une conscience universelle, mais à l'échelle individuelle. S'il y avait une conscience universelle à l'échelle de la planète, on aurait une civilisation totalement différente. Donc, dans les premiers développements de cette conscience-là, vers un statut universel, le travail se fera au niveau individuel. Et probablement que dans l'avenir, dans un avenir extrêmement éloigné, il y aura sur la Terre une conscience universelle, mais à ce moment-là, les conditions évolutives de la conscience animalisée, mais intelligente, seront totalement renversées sur la Terre. Et l'homme vivra sur une planète qui ne fera plus partie de la conscience lunaire locale. Donc la civilisation serait réellement une civilisation solaire. Puis une civilisation solaire, c'est une civilisation qui a la capacité de se déplacer dans différents espaces-temps pour toujours rechercher et trouver des endroits ou des espaces psychiques qui sont plus harmonieux avec ces consciences-là. Donc, quand l'homme pourra passer d'une planète à une autre en conscience morontielle, puis que l'homme commencera à étudier et à évaluer dans le cosmos local, sur différentes planètes, dans différents systèmes de vie, les endroits qui lui convient le mieux, psychiquement, pour son corps morontiel, à ce moment-là, l'homme s'établira sur ces planètes-là, et commencera le nouveau travail qui équivaudra à la construction, le développement d'une nouvelle civilisation. C'est pas avec les petites machines de la NASA, là, que l'homme va utiliser dans ce temps-là pour se déplacer. C'est de la ferronnerie. Mais il faut qu'on rapproche notre étude de l'homme dans notre temps. On ne peut pas regarder simplement l'homme dans un futur éloigné. D'ailleurs, on perdrait notre temps. Il faut qu'on le regarde dans un temps rapproché par rapport à des conditions qu'on vit aujourd'hui. Travail, les amours, l'intimité, maladie. Ça prend un nouveau modèle de conscience pour pouvoir évaluer ces choses-là, ces expériences-là. Ces événements-là d'une façon objective pour ne plus en souffrir. Si vous n'êtes pas capable d'évaluer mentalement ce que vous vivez dans votre expérience de tous les jours, vous allez souffrir des événements de tous les jours. Alors qu'en réalité, vous devriez grandir à travers les événements de tous les jours. Mais pour pouvoir grandir à travers ces événements-là, ça prend une conscience suffisamment éveillée pour pouvoir évaluer la relation entre l'homme, le mortel, et l'entité qui travaille sur d'autres plans, à établir un développement chez l'homme mais en fonction toujours d'une certaine manipulation qui est illusoire. Tant que l'homme n'aura pas compris que toute manipulation, tout événement vécu sur le plan matériel, qui est en opposition avec sa volonté, dénote une caractéristique d'illusion. L'homme souffrira des événements, donc souffrira de l'entité qui le chevauche, donc l'homme ne comprendra pas ce qu'on appelle la vie, essentiellement. Il en sera simplement une marionnette. Il la subira. Et sa vie sera toujours un accident. Puis il n'y aura jamais de répit. On est très loin, même si ça ne paraît pas, là. Mais on est très loin. On est très loin à la fin du 20e siècle. Des illusions, des égrégores qui ont créé l'ego planétaire de l'évolution. Très loin. Par contre, on n'est pas suffisamment rapproché de soi pour contester des entités qui ont le pouvoir de créer dans l'homme une souffrance basée sur son ignorance des lois occultes. La loi occulte fondamentale concernant la souffrance humaine est basée sur le fait que les entités sont prépersonnelles. Donc, une entité n'attache pas l'importance à un événement terrestre comme nous, les hommes, le faisons alors qu'on est incarné. Une entité d'ordre mental fait toujours son devoir. Même une entité sur le plan astral fait son devoir. Mais le devoir d'une entité n'est pas nécessairement une compensation dans la vie de l'homme, à la mesure de sa volonté. Ça, on appelle ça l'existence. C'est ça qu'on a vécu depuis l'incarnation, depuis le début des chaînes adamiques. C'est pour ça que la création d'un nouvel ego, de nouveaux modèles de conscience, est fondamental pour l'évolution. Ça n'a rien à voir, ça, avec la recherche de l'immortalité. Ça fait partie du rapport étroit entre l'homme et l'invisible pour que l'ego, éventuellement, en arrive à avoir une conscience vibratoire suffisamment développée pour que le mystère de la mortalité, de l'immortalité, soit compris finalement chez l'homme, au lieu d'être projeté comme on l'a fait pendant l'évolution, à travers une imagination purement stupide et fictive. Les gens qui prêchent ou qui parlent d'immortalité et qui n'excluent pas dans ce phénomène-là la mortalité du corps physique, sont des êtres qui n'ont pas de conscience. Et dans un sens, ce sont des êtres qui envoûtent l'homme par des enseignements qui sont absolument irréels. Puis il y en a beaucoup de ça dans le monde. Voir si quelqu'un veut vivre sur la terre indéfiniment. Il faut être réellement con. Ce que tu vas faire après. Mais vivre sur d'autres plans, conscience morale.